François sera demain au temple si, dès ce soir, je ne puis expédier à Rome votre renonciation. Signez et vous le sauvez. « Grâce, grâce !» sanglota l'épouse martyre. « Non, non, jamais !»« Le roi ! Le roi ! Vive le roi !» Des cris éclataient dans la cour d'honneur. Une fanfare de trompettes retentit. On entendit les pas précipités de gentilshommes qui couraient au-devant d'Henri II. La porte s'ouvrit violemment et un homme cria. « Monseigneur, monseigneur, voici sa majesté !»« Adieu, madame, dit lentement Montmorency. Déchirez cette renonciation. Moi, je vais faire signer au roi l'ordre d'emprisonner mon fils. »« Arrêtez, je signe !» râla la martyre. Et elle signa. Puis elle tomba à la renverse, tandis qu'un de ses bras, dans un geste instinctif et sublime, cherchait encore à protéger Loïse. Le connétable fondit sur le parchemin, le saisit, le cacha dans son pourpoint, et, de son pas lourd d'écraseur de cœur, de tueur d'hommes et de femmes, se porta à la rencontre d'Henri II. Dans la cour, les cris de joie éclataient furieusement. « Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le connétable !»